chanson pour le vent, un texte unique et éphémère, avec l'idée que mon talent se verra ouvrir les barrières. J'écris une chanson en goutte d'eau, avec des mots clairs et limpides, qui imprégnera les badauds et comblera mon fond cupide. Je suis une star, un vrai dandy au corps d'athlète. Je suis une star, un rythme, une rime, une chansonnette. Les amis, c'est bien, les méchants, c'est vilain. La guerre, ça craint, mais l'amour, ça fait plaisir. La maladie, c'est pas bien, l'écologie, on y vient. Le travail, ça fatigue, hein, mais les vacances, ça fait plaisir. Je suis une star, un vrai dandy au corps d'athlète. Je suis une star, un rythme, une rime, une chansonnette. J'ai les rimes, c'est pas de la frime, et tous les rythmes du moment. J'ai fait techno house, c'est même swing, je suis porté par le vent. L'année prochaine, si tout va bien, je viserai l'international. Je bosse mon anglais, c'est pas pour rien, j'ai déjà un refrain pas mal. I am a star, a real dandy with an athletic corpse star. A rhythm, a rhyme, a songounette. Bien, j'assurerai l'international. Je bosse l'espagnol, c'est pas pour rien. J'ai déjà un refrain pas mal. Yo soy un star, yo soy un star. Ein Rockstar.